L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour tous. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et offre un tout nouveau menu pour tous les budgets. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est important pour soutenir notre économie. On va parler de football avec notre ami Nick Menacci. Il y avait une finale toute régionale en fin de semaine entre le Cégep de Jonquière et le Cégep d'Alma. Et question de faire un peu le bilan de la saison de l'équipe du Cégep de Chicoutimi, parce qu'il y avait énormément de joueurs qui venaient du secteur. On parle avec l'instructeur-chef Nick Menacci. Salut Nick. Salut Danny. On va faire un peu le bilan de la saison. Et par la suite, on va parler des joueurs du secteur qui nous intéressent. Une défaite, mais à quelque part, l'équipe repart de loin. Hein? Oui, absolument. C'était une équipe qui l'an passé comptait plusieurs finissants d'importance. Okay. Cette année, il y avait très peu de vétérans, donc il avait fallu faire un recrutement dès mon arrivée en novembre. Il avait fallu donner un gros coup de barre là-dedans. On avait réussi à rentrer plusieurs jeunes joueurs. Donc cette année, on a eu plusieurs joueurs cette année, mais plusieurs joueurs qui avaient pas d'expérience au niveau collégial. OK. Donc en fin de semaine, à quelque part, ça te déçoit, mais ça te déçoit pas en même temps, là. Non, c'est ça. C'est très encourageant pour le futur. Tu sais, quand je regarde le nombre de vétérans qui reviennent dans mon équipe, quand je regarde des joueurs recrues, de la façon dont ils ont performé dans un match de quart de finale, pour des gars de première année, des gars de 17 ans, mon porteur de ballon, Jimmy Larose-Joubert, qui est tout un joueur de football. Qui a 17 ans, qui vient d'avoir 18 ans tout juste. C'est un gars de première année, c'est tout un joueur de football. Notre ligne offensive, il y avait trois joueurs recrues sur cette ligne-là. Notre ligne défensive, trois joueurs recrues, dont Philippe Veilleux, justement, de Saint-Augustin d'Almas. Donc, vraiment, on avait plusieurs jeunes joueurs, Pierre-Olivier Dupéré, donc plusieurs jeunes joueurs qui ont très bien répondu à l'appel tout au long de la saison, puis encore en fin de semaine. OK. Il va arriver quoi là, avec Nick Menacci? Parce que l'année passée, il avait pris plusieurs joueurs des Lynx d'Alma. Les Lynx, on connaît une bonne saison encore. Fait que certainement que Nick Menacci va suivre ce qui se passe avec les Lynx. Ah ben je suis les Lynx depuis le début de l'année. Je veux dire, ils ont un parcours qui est incroyable, là. Je veux dire, ils n'ont pas perdu, ça va faire 2 ans, là. Ouais. Fait que je veux dire, on peut pas passer ça sous silence. C'est encore une puissance du football de la Ligue juvénile 2A. Et ça va être encore une équipe très dure à battre pour le reste du parcours jusqu'au Val d'Or. Donc une équipe qui peut encore l'emporter cette année. Je lève mon chapeau à Patrice Boudreau, c'est un travail exceptionnel qu'il fait avec cette équipe. OK. Si on venait à la quart de finale, le fait que c'est deux équipes régionales qui s'affrontent, c'est bon pour le football dans la région, ça? Oui, absolument. Absolument. C'est bon pour la rivalité, c'est bon pour le football dans la région. On a quand même une baisse des inscriptions au football. Il y a de moins en moins d'équipes. On espère que ça ait toujours un effet positif, justement. Donc, oui, c'était bon. On a vu, justement, après le match, j'ai vu plusieurs jeunes joueurs qui jouent dans des équipes de football régionales, des jeunes du PWD, des jeunes de Dominique Racine, des jeunes de Saint-Félicien, des jeunes de Sept-Îles. Donc, il y avait des jeunes de partout, là. C'était le fun de voir ça. OK. Si on y allait maintenant avec nos joueurs du secteur, mais si on y allait avec... D'abord, on va commencer avec Alexandre Voisine, un gars de... un camp arrière. Si on parlait de son temps d'utilisation, parce qu'on en a parlé en début de saison, mais là, vers la fin de l'année, comment ça s'est passé dans son cas? Est-ce qu'on est content de l'évolution d'Alexandre Voisine? Ah oui, on est très content de l'évolution d'Alexandre. Tu sais, Alexandre est arrivé avec un bagage de football, il arrivait des Lynx. C'est pas un gars qui avait 10 ans de football derrière la cravate, donc, mais c'est un gars qui a des grosses qualités athlétiques. Hein. Fait qu'au début de l'année, avec Raphaël Cyr, qui était là, notre carrière, qui est un très bon carrière, Alexandre a eu le temps d'apprendre, changer certains trucs sur sa mécanique, donc le coacher vraiment au niveau technique, tactique. Et ça a fait une différence à un moment donné. On est allé jouer à Rimouski et notre carrière, Raphaël Cyr, s'est blessé. Il y avait eu une utilisation, comme tu disais, au début de l'année, on le faisait jouer dès qu'on avait la chance de le rentrer dans le match. On le rentrait dans le match, on le faisait jouer. Il avait lancé des ballons, il avait couru. Quand on est arrivé à Rimouski, Raphaël Cyr s'est blessé au début du match. Donc, Alexandre a dû prendre le relais de Raphaël d'un coup. Donc, c'était pas prévu au départ. Alexandre le fait avec brio. Il a très bien joué contre Rimouski. sais, pour un gars de première année qui rentre dans un match, dans une foule hostile à Rimouski, c'est des gros joueurs, une grosse ligne défensive, donc il a bien fait ça. Ensuite, le match suivant également, il a joué contre Jonquière, c'est lui qui a joué le match contre Jonquière, donc il a eu à jouer deux matchs complets là pendant deux semaines. Il a bien fait ça vraiment, on est content de lui, on est content de son évolution, puis on est certain qu'Alexandre va être très bon carrière dans le futur. C'est quand même un bon step pour eux autres, hein? Apprendre le livre de jeu, ainsi de suite. Oui, le livre de jeu, puis tu sais, je veux dire, on voit ça comme ça, mais tu sais, ces jeunes-là, ils arrivent des fois à 16 ans, à 17 ans, et il y a des gars qui jouent sur leur à 21 ans là, dans la ligue collégiale. Là. Donc, ça veut dire qu'il y a des gars de quatrième année. Donc, il y a des joueurs de ligne défensive, des fois, des gars de quatrième année qui sont là, qui jouent contre des jeunots de 17 ans. Donc, tu sais, des fois, ça peut être intimidant au niveau physique, mais je veux dire, on l'a vu dans la... Tu sais, Jean-Philippe Cordero, qui joue à Alma, a eu une très belle saison aussi. Je veux dire, c'est un autre jeune carrière. Donc, c'est des jeunes carrières qui ont tout le potentiel pour devenir des très bons joueurs. Oui. Alexandre, penses-tu qu'il peut être partant dès l'an prochain, être ton camp numéro un? Tu vois où, Alexandre, il bataille. Alexandre, il bataille à tous les semaines, il bataille. Je veux dire, il y avait Raphaël Cyr qui était là. Raphaël Cyr devrait revenir une autre année avec les Cougars. L'utilisation d'Alexandre va toujours être de plus en plus. Je veux dire, on a essayé de l'insérer dans des situations, dans notre livre de jeu. Il y a des jeux qui sont faits pour Alexandre. C'est de trouver le juste milieu là-dedans, de pouvoir l'utiliser le plus possible. Mais je veux dire, le poste de numéro un, il est toujours. C'est toujours en jeu. Alexandre a bien bataillé toute la saison. Il a travaillé très fort. Il a corrigé plusieurs choses. C'est vraiment un joueur très amélioré. Donc, le futur est très prometteur pour Alexandre. Où je le vois pour le futur, ça va être pendant l'hiver qu'on va voir ça. On va regarder qu'est-ce qui va se passer puis qu'est-ce qui va arriver avec lui. Okay. Philippe Veilleux. Philippe Veilleux a été blessé au début de l'année. Il s'est blessé au premier match contre Alma. Ouais, okay. Donc, il a été à l'écart du jeu 4 matchs. Il est revenu tranquillement, sa blessure. C'est un jeune avec énormément de caractère. C'est un jeune qui voulait pas, qui aimait pas cette ses lignes de côté, qui voulait jouer. Quand il est revenu, tout de suite, sa présence s'est faite sentir. Philippe a été partant les matchs qui étaient là. Donc, en fin de semaine, au match de quart de finale, il a joué tout le match. Je veux dire, les matchs d'avant aussi. Dès que sa blessure a été résorbée, il a été un partant et un joueur. Un très bon joueur pour nous. Je veux dire, encore une fois, on parle d'un joueur recru, un joueur recru qui arrive des lignes, tu peux te le VD. Un très bon joueur, un gars qui avait été bien coaché. Je veux dire, c'est un athlète. C'est un bon joueur, c'est un gros joueur, mais c'est un gars qui bouge bien. On a bien aimé ça. Moi, j'ai bien aimé le coacher. C'est un gars qu'on a très hâte de voir, avec qui on a hâte de travailler pendant l'hiver, justement, pour ajouter de la masse, puis ajouter des petits correctifs au niveau stratégique, au niveau technique. Okay. Puis je pense que Philippe est voué à un très bel avenir aussi avec les Cougars. Si on parlait, il y a un gars de Normandin aussi que tu l'as utilisé comme oui. Partant, donc son nom m'échappe. Là, c'est Marc-Antoine Jean. Oui, Marc-Antoine Jean. Marc-Antoine Jean. Tu vois ouais. Un gros potentiel dans son cas, lui. Hein? Oui, vraiment, je vois un gros potentiel. C'est un jeune qui part de loin, qui arrive de Saint-Félicien, okay. Qui n'était pas au même niveau que les autres au niveau technique, le cahier de jeu, c'est beaucoup. C'est un jeune super intelligent. C'est un jeune avec un physique de 6 pieds 3, 285. Là. Je veux dire, il a perdu du poids un peu pendant la saison. C'est un gars qui va travailler en gymnase très fort et qui va pouvoir, à sa deuxième, à sa troisième année, qui va être un joueur d'impact. Il a joué une bonne partie du match. C'était un partant encore pour le match de quart de finale. C'est un gars qui a eu fraîchement 17 ans au tout début de la saison. Si c'est un gars qui joue 3 ans dans la ligue collégiale, ça va être tout un joueur à la fin à sa dernière année. OK. Donc, il y avait d'autres joueurs aussi du secteur? Parce que là, J'ai deux gars de Saint-Prime aussi. Okay. J'ai Mathieu Larouche. Oui. Lui, il a été blessé une bonne partie de l'année. Il a pas joué le match en fin de semaine. Il a été blessé. C'est malheureux parce que c'est un très bon athlète, c'est un très bon joueur, c'est un gars sur qui on comptait cette année. Il nous a manqué beaucoup tout au cours de la saison, mais c'est un joueur qui va revenir avec nous et qui va travailler très fort. Okay. Et ensuite, l'autre, c'est Ludovic Taillon. C'est un receveur de passe de Saint-Félicien aussi. Okay. C'est un gars qui avait pas beaucoup de football quand il est arrivé avec nous, donc il a été beaucoup en apprentissage cette année. Il a pas eu beaucoup d'occasions de se faire valoir sur le terrain, mais c'est un jeune avec un beau potentiel, puis on espère beaucoup de choses de lui dans le futur aussi. On fait quoi avec une équipe? Là, tu as un suivi, là, c'est quoi? Là, la saison est terminée, on fait quoi avec ces jeunes-là? Là? tu restes le programme? Y a-tu un camp d'entraînement? C'est quoi qui se passe avec, là, après une élimination comme ça, là? Bon, après une élimination comme ça, premièrement, on s'assure. La première chose que je fais, moi, ben, on le fait tout au long de la saison, mais tu sais, après la saison, c'est là l'important aussi de faire un petit rappel que les études, c'est important, hein, les études. Donc, on fait un petit briefing là-dessus, on voit les joueurs, on s'assoit avec eux pour discuter d'une stratégie, s'il y en a qui sont en situation d'échec, de travailler, comment on peut travailler, ces choses-là. Ensuite de ça, on est en train de préparer avec l'UQAC, avec le département de kinésiologie, un super beau projet où nos jeunes vont être testés 3 fois par année. Donc, il y a des périodes de testing qui vont avoir lieu à la fin novembre pour voir où sont les jeunes avec justement le département. Donc, on commence à mettre en place toute la stratégie d'hiver. Donc, yoga, piscine, entraînement en salle, pratique d'hiver. Nous, on va en France également. Donc, on est en train de préparer tout ça. Là. On est en train de mettre tout ça en place. On va avoir un hiver très chargé. Puis moi, ben, je suis dans le recrutement par-dessus la tête depuis déjà quelques semaines. Mmh. Donc là, c'est enclenché. On faut rajouter des joueurs à cette équipe-là. Est-ce que tu t'attends de signer des joueurs d'ici, du haut du lac? Oui. Ouais. Oui, je suis très. Oui, j'espère bien gros. On sait jamais comment ça peut virer. Souvent, c'est des programmes d'études. Hein, ouais. S'il n'y a pas de programme d'études qui intéresse les jeunes, mais j'ai des joueurs qui m'intéressent du haut du lac en ce moment. J'en parle pas parce que je garde ça secret un peu, mais je veux dire, on voit les mêmes joueurs. Je veux dire, il y a des joueurs, tu sais, cette année au PWD, il y a des joueurs de talent, c'est incroyable. Je veux dire, à Saint-Félicien, c'était une cuvée plus jeune, donc il y aura pas beaucoup de joueurs de secondaire 5. Il y a les quelques jeunes, là, les jeunes qui avaient pas pu jouer cette année, là, à cause de la sanction du RSEQ. Mm. Donc, il y a des jeunes là-dedans avec qui, moi, je suis en contact, et des jeunes qui... Il y en a un justement qui a joué avec les Mustangs de Dominique Racine cette année. Okay. Donc un des joueurs qui avait pas le droit de jouer avec Saint-Félicien. Donc ça c'est un joueur aussi c'est un joueur qui est en ce moment sur le territoire de Chicoutimi. Donc oui, on a plusieurs prospects dans le haut du lac. OK. Ben Nick, très intéressant, ça fait fort agréable tout au long de on s'est pas parlé tout au long de la saison, mais de faire un peu un bilan au début puis à la fin de l'année. Puis s'il y a des signatures, Jean Topo, on est là pour ça. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci de ton appui. Puis merci de nous laisser, de pouvoir vendre le football régional à ton antenne. Merci beaucoup, Dani. Nick Menacci, l'instructeur des Cougars de Chicoutimi.